Une autre dimension, le sourire est nuancé. Le passé réduit ensemble, même s'il y a du son, je veux plus danser. Je veux rester assis, regarder les gens faire et me sentir si différent avant de passer l'éternité dans les enfers. Je veux renfermer mes deux parents, mon bonheur entre parenthèses, la boule au ventre à l'antenne. Et bien avant le virus, j'étais déjà en quarantaine, moi. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, même si tu le penses pas une seconde. La vérité passe pas dans ce monde, la vérité passe pas dans ce monde. Ah. C'est plus beau que là où on tirait le sud. Si j'attire le succès, ils vont pas m'embrasser, ils vont me tirer dessus, c'est comme ça ici. À l'autre bout du monde, je suis pas dépaysé. Je rôdais capuché devant le CIC. Je trouvais des charbons, je trouvais pas de lycée. Triste récit. Pourtant à peine hier j'ai tapé un fou rire. J'ai mis un schlars en dessous de la fourrure. Si on brouille, c'est pas moi qui va courir, fils de pute. C'est plus beau que là où on tirait le sud. Ils vont pas m'embrasser, ils vont me tirer dessus, avenir indécis. Ma vie est moche tant que je la redessine. D'où ça m'est si je me rappelle plus de l'usine et du prix de la résine, je suis là, je résiste. Même au fond du trou, j'avais bon cœur. Quand t'avais personne autour de toi, tu me trouvais jamais ce répondeur. Des fois j'ai mal, mais je peux pas refaire l'histoire. Je viens d'un monde où les gens ne rêvent pas. Les yeux ouverts, petit, je m'y voyais déjà. J'ai jamais dévié, j'ai jamais lâché. Je voulais voler, coucher, soleil, verre et violet, Jack Dan. Tout seul dans ma vibe, personne comprend ma folie. J'avance, les épaules sont solides, tu sais. Et tout le semaine, j'ai fumé du seum sur la plage. J'ai plus le sommeil, j'ai tourné en rond dans ma cage. J'ai trop donné pour ces amitiés bancales. Faut garder le mental, ouais. Dans la tête, détaillé, évadé, programmé, programmé. J'peux peut-être pardonner, mais la haine, plus jamais, ouais. Plus rien de matin, du soir au matin, je m'entraîne. J'verrai pas ma peine, j'verrai juste mon nom dans ton regard. Moi j'ai grandi loin du ciel, so side. Et vu que j'peux pas faire semblant, j'fais pas de live. Personne à mes côtés dans le noir. Personne à mes côtés dans le noir.